Chaque nuit très tard tu rentres. Je ne compte plus tes heures d'absence, mais tes actes de présence ne peuvent nier l'évidence. Je ne cherche plus à comprendre. Je me grise de ton silence. Évite ce regard tendre. Tu n'as pas à te défendre. À petits pas, l'amour s'en va. Mène ta vie comme tu l'entends. Ne joue pas au faux semblant. Mes cartes sur table maintenant. Joue en franche comme. Tu n'as pas voulu d'enfant, à vrai dire, heureusement. Va vers celui qui t'attend. À quoi bon jouer aux amants? À Pachéa. L'amour fout le camp.